parle. Depuis longtemps que je peaufine mon style. Le rap est fait de musique locale. Pris dans un pot, bien un vocal. Faut pas tomber dans les pièges et j'en passe. Tous ces gens faux, pas de vocal. Pour moi tant pis. Ça m'étonne pas, je le fais sans envie. Pour tous ces bâtards qui t'envient. Pour tous les batailles c'est danser. Fuck ceux qui vivent que des mentries. Sortez les riches, je m'en fous tant pis. Les fondations sont en béton stable. Les relations ne sont pas instables. Ça fait longtemps que les gens savent que Brodeur répète pas les mêmes textes et ne change pas de style. Partir comme la partie de maintenant que les parties sont avancées fort. Faut mettre des craques aux écrous, vérifier que le trou n'est pas trop profond pour remplacer le tout. Mets des dents à ta face, c'est le même, c'est sûr. Mets des dents à ta bouche, c'est le même, c'est sûr. Faut juste assurer que les projets soient subjects. C'est vécu de la BD ou pas, ça sans censure. Mets ta vente sur plan, on va sans pur voir. Mets son fondation, fait des pentures d'armes. Du big sous arme que d'instrumental. Lyrique, la la la la la la la la la la. On l'a toujours vu, c'est toujours battu pour avec un plus grand et courageux des ambitions. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Les fondations sont en béton scale. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ça ressort notre son de Québec à Montréal. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Brodeur s'est mis à niveau. Oh, pour tous les fans qui supportent. Oh, pour tous les fans dans les bars. Oh, Brodeur fait de l'impact. Faut que ceux qui viennent nous backstab. D-A-N ou B-O-N extra. Histoire de famille, les fondations qui restent stables. Car mes brodeurs, c'est ma famille. C'est mes frères d'armes, ils sont longs que Karine. Car en contrôle, nous on reste calme. On attend seulement la prochaine récidive. Blow! Les gens savent plus qu'arrive. Brodeur était censé sortir beaucoup plus tôt cette année. D-A-N puis son rap martial est parti de son côté. Mais bitch, vous avez rien compris. On est une famille soudeuse. Nos fondations, j'entends ton style. Puis là, il est temps d'y remplir les estrades. On s'entraîne, on s'entraide. Un jour, on sera beaucoup plus gros que ton stade. Tu sens bête, on s'entête. Brodeur s'est rendu à un tout nouveau stade. Back in the days, depuis l'orage. Yeah! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Les fondations, j'entends ton style.